Question 15. Pour signaler un accident, je peux utiliser les feux de détresse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Un triangle de présignalisation. Oui, réponse C. Non, réponse D.